testament. D'ailleurs, les sages ont dit « Il ne faut point attacher son cœur aux choses passagères. » Ça a dit. Moi, Honorée Prudence Clémence Abigail de Maugis, demeurant à Paris, rue Laffitte, numéro 142, et ayant toutes mes facultés intellectuelles, je donne et lègue à ma petite nièce Berthe, si joint ses noms et prénoms, vu ses bonnes et excellentes qualités, et aussi voulant récompenser sa douceur, son inaltérable patience et son talent non illusoire à raconter, inventer, falsifier, conte, histoire, chronique, légende, etc., donc je déclare lui laisser la pleine et entière jouissance, et sans qu'aucun de mes collatéraux puisse la lui disputer, de Minette, ma chatte sans queue. Puis, plus bas, se lisait pour légataire universel des biens, immeubles, meubles, etc., etc., le nom de mon brave et digne oncle, Monsieur de Maugis. Péroraison. Montaigne. Quant à mon ramage gascon, je vous l'abandonne sans pitié, mais vous ne me guérirez jamais de mon inconséquence. Songez donc, monsieur le conseiller, que quand j'écris, je me jette à la merci de mon invention présente. J'ajoute et ne corrige pas, je ne fais qu'une marqueterie mal jointe. Vitet, état de Blois. Or, ces contes que j'ai composés pour amuser les soirées de ma grand-tante, je vais vous les dire, et avec bien plus de plaisir qu'à elle, je vous assure, en ce que je n'y suis pas forcé. Vous avertissant cependant, ainsi que je vous l'ai déjà annoncé, que je ne fais pas de livres, que je ne suis pas auteur, encore moins homme de lettres. Non que je n'aie, je vous prie de le croire, un profond respect pour cette profession. Mais enfin, je ne suis pas homme de lettres, ni ne le veux être. Je mets même de l'affectation à prouver le contraire. Inventez un nom pour me désigner, si bon vous semble, mais que ce ne soit pas celui-là. Par ainsi, j'ose espérer me mettre à l'abri de la critique des vrais hommes de lettres, ayant barbe au menton, et non menton lisse comme le mien. J'ose espérer que ces pages, écrites dans un moment d'ennui ou d'oisiveté, obtiendront de ces messieurs oubli ou protection, l'un ou l'autre. Pas de juste milieu, je vous en prie. Les avertissant d'ores et déjà que si, malgré tout ce que je leur en dis, ils leur prenaient fantaisie de me critiquer, je leur ferais observer que les auteurs n'aiment pas les vérités trop dures. Quand cela seul, je leur ressemble, sans doute, ainsi qu'à vous, peut-être, Berthe de Maugis.